faire la guerre. Tu me croyais bon voir des bonheurs, mais je viens tuer ton père, ta mère, tes enfants empoisonner la rivière. Je viens prendre toutes tes terres, te filer un aller simple pour l'enfer. Tu seras heureux si tu peux encore pleurer. Tu seras heureux si tu peux encore pleurer. Les bombes explosent dans la ville, tremblent les immeubles fébriles, trouer les ferrailles tordues. Tes cris en dehors du béton nu. Je viens prendre toutes tes terres, te filer un aller simple pour l'enfer. Tu seras heureux si tu peux encore pleurer. Tu seras heureux si tu peux encore pleurer. Quoi que tu fasses, tu es encerclé. Rends-toi alors, je pourrais te torturer. Tes centrales nucléaires, tes champs de blé, tes mines de fer, tes souvenirs, tes cimetières. Mais où sont tes champs d'amour? Je ne trouve rien aux alentours. Je serais tellement heureux si je savais aimer. Je serais tellement heureux si je savais aimer.